Ceci est un appel d'embarquement pour tous les auditeurs. Ici Radio-Canada Première, Aéro-Mexico et Aéroport de Montréal vous invitent à participer au concours « À bientôt, Mexico ». Courez la chance de gagner 2 billets d'avion aller-retour en vol direct à destination de Mexico. Pour participer, remplissez le formulaire en ligne et inscrivez l'indice « Plage ». L'embarquement prend fin le 13 mai 2018. Détails au radio-canada.ca/concours. Bon balado. Ici Jacques Beauchamp. Aujourd'hui, l'histoire, la philosophie et l'idéologie derrière le nazisme. L'émotion derrière le national-socialisme, c'était Votan, qui était le dieu de l'émotion, de l'extase, du fureur, du berserk, de la victoire. C'était ça la grande émotion. Pour Marie-Louise von Franz, spécialiste de la psychologie analytique, collaboratrice de Jung, derrière le nazisme et le succès populaire du nazisme se cachait la figure du dieu Wotan, qu'on appelle aussi Odin, et qui est considéré comme le dieu de la guerre, comme le père fondateur également de toutes les dynasties mythiques germano-nordiques. Et c'est cette aura de grandeur, de puissance de Wotan qui aurait donc convaincu tant d'Allemands d'adhérer au nazisme. À nouveau, Marie-Louise von Franz à l'émission Carl Gustav Jung ou la totalité de l'homme futur en 1970. C'est pour ainsi dire une fausse religion. Et vous voyez, c'est chez tous les ismes modernes. Ce sont des religions qui n'admettent pas qu'ils sont des religions. Alors il y a toute l'émotion, le fanatisme d'une religion, et ça joue comme si c'était raisonnable, comme si c'était de la pensée. Et c'est faussé. Naturellement, parce que l'homme moderne n'admet plus le vieux archétype, et il appelle ça un isme, il en fait une théorie. Mais pour nous, on qui voit un peu en dessous, c'est le vieux Wotan qui s'est réveillé. Durant la Deuxième Guerre mondiale, Nietzsche est approprié par les nazis, qui font du surhomme l'exemple de la race supérieure. Et s'il y a une chose dont on est sûr, c'est que Nietzsche est profondément anti-antisémite. Alors, l'antisémitisme lui puait au nez. Alors, il est interprété, vous voyez, de toutes sortes de manières contradictoires. Ce qui nous ramène la question, qu'est-ce qu'il voulait dire exactement? Ce qu'il en tête, je pense, c'est beaucoup marqué par un idéal d'artiste. Alors, l'auteur qui l'évoque le plus souvent dans ce contexte-là, c'est Goethe, l'écrivain allemand Goethe, ou Beethoven. Alors, voilà pour lui des modèles de surhomme. Et qu'est-ce qui caractérise ces personnes? Eh bien, ce sont des héros. Ce sont des héros artistiques et qui ont, me semble-t-il, les caractéristiques suivantes. Ils ont un penchant pour la solitude. Ensuite, ils ont une sorte d'indifférence un peu hautaine envers le jugement de la masse. Ils poursuivent de manière obstinée un projet dans lequel ils affirment leurs valeurs sans se soucier de ce que les autres vont dire et en s'efforçant de l'incarner dans leur vie. Et ils n'ont rien de l'idéal qu'on appelait autrefois ascétique. Ce qu'ils ont en cœur, c'est un souci d'affirmation de la vie. Et je pense qu'on peut aussi définir le surhomme par un dernier trait qui est une grande idée de Nietzsche. Nietzsche dit à un moment donné, le temps est infini. Aucun physicien va être d'accord avec ça, mais l'expérience de pensée est amusante. Le temps est infini, la matière infinie est finie. Ce qui fait que les organisations possibles de la matière vont toutes se reproduire. Il appelle ça la doctrine de l'éternel retour. Tout est destiné à recommencer. Le surhomme est celui qui aime la vie au point de vouloir que tout ce qui vit revienne éternellement. Le philosophe Normand Baillargeon à l'émission « Dessine-moi un été » du 10 juillet 2016, Nietzsche n'est pas le seul grand penseur duquel vont se réclamer les nazis. En fait, derrière le nazisme se cache toute une manière de voir le monde, ce que mon invité appelle la révolution culturelle nazie. Cet invité est Johann Chapoutot, historien spécialiste de l'Allemagne nazie, professeur à l'Université Paris-Sorbonne, auteur notamment de l'ouvrage « La révolution culturelle nazie ». Johann Chapoutot est dans nos studios de Paris. Johann Chapoutot, bonjour. Bonjour. Donc, commençons par définir en quelques mots cette fameuse révolution culturelle nazie dont vous parlez dans votre livre, Johann Chapoutot. Sur quoi repose, à quoi correspond cette révolution culturelle nazie? C'est un retour à l'origine, c'est-à-dire c'est une manière de concevoir la révolution au sens pré-révolutionnaire du terme. Les nazis étaient tellement anti-révolutionnaires, anti-1789, qu'ils ont repris le terme de révolution au sens qu'il avait avant 1789, c'est-à-dire non pas une ouverture vers un futur indéfini et infini, mais au contraire, le revolvere latin, le retour à l'origine, c'est-à-dire à cette race germanique qui vivait authentiquement confondue avec elle-même, c'est-à-dire confondue avec la nature. nature. Ce qui ne veut pas dire, contrairement aux extraits que l'on a pu entendre, qu'il s'agissait de ressusciter des cultes morts, hein, puisque les nazis sont suffisamment socio-darwinistes pour estimer que ce qui est mort devait mourir, donc on ne va pas ressusciter de vieilles religions enfouies. Mmh. Il s'agit de revenir très rationnellement à un type d'être à la fois biologique et psychique, qui correspond à l'état de nature. Donc cette révolution, cette fameuse révolution, dans le sens que vous l'avez définie, cette révolution qui veut revenir aux sources, revenir sur elle-même, elle est tournée donc vers le passé. Les nazis sont complètement fascinés par les civilisations grecques et romaines de l'Antiquité, par une figure comme celle de Platon, par exemple. Pourquoi ? Alors, justement, on parlait de Nietzsche tout à l'heure, mais Nietzsche n'est certainement pas convoqué par les nazis, sauf à titre d'image pieuse, si vous voulez, parce que le contenu de Nietzsche, comme celui de Kant, par exemple, est totalement inemployable. Par contre, on prétend trouver dans Platon une forme d'éthos, hein, une forme de culture ou d'être germanique originel, puisque, selon les nazis, ils ne sont pas les seuls à le dire, hein, c'est une hypothèse scientifique depuis la fin du XVIIIe siècle, selon les nazis, donc, les Grecs et les Romains sont des Germains, des tribus germaniques émigrées du nord vers le sud, et qui ont opéré leur photosynthèse culturelle en Méditerranée, alors que les Germains restés dans le Nord étaient des demeurés dans tous les sens du terme, hein, géographiquement et culturellement. Et Platon, de ce point de vue-là, le Platon qui est le contempteur de la démocratie, qui est l'amoureux de Sparte, hein, ce Platon-là qui théorise une cité hiérarchique, inégalitariste, etc., leur apparaît aux nazis comme étant le véritable penseur du régime à venir. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas chez cette fascination pour les Grecs et les Romains. Puis je reviens un peu à Votan. Vous dites, attention, c'est une fausse piste. Elle est évidente, la piste du dieu Votan, mais c'est une fausse piste. Mais est-ce qu'il n'y a pas chez ce Votan, dieu de la guerre, chez ces Grecs et chez ces Romains, de la part des nazis, cette fascination pour la guerre et l'importance qu'a la guerre pour asseoir sa présence, en fait? Oui, alors le recours à l'Antiquité permet de tirer bien des leçons de l'histoire de la Grèce et de Rome, hein, qui encore une fois sont des civilisations germaniques aux yeux des nazis. L'importance de la guerre, oui, mais attention, une guerre qui doit être limitée, puisque quand la guerre s'attarde trop, comme chez les Romains, elle conduit à l'épuisement du bon sang, et elle conduit ensuite à la cité à ouvrir ses veines au sang allogène, hein, pour se reconstituer. Ou alors, les guerres sont parfois fratricides, hein, comme entre Sparte et Athènes, hein, entre tribus germaniques, donc, et ça aboutit à l'épuisement, à l'étiolement de la race. Donc, les nazis, au fond, sont effectivement bellicistes, parce que ce sont des socio-darwiniens, mais ce sont des bellicistes à terme, puisqu'ils estiment qu'à un moment donné, la grande paix biologique doit régner à partir du moment où on sait totalement débarrassé de l'ennemi biologique majeur. Vous l'avez un peu évoqué, ils sont allergiques à ce que va incarner la Révolution française. Ils sont allergiques aux valeurs portées par les philosophes des Lumières. Qu'est-ce qui fait que les nazis détestent tant cette Révolution française? Qu'est-ce que ça représente pour eux? Alors, la Révolution française, Goebbels dit à la radio le 1er avril 1933, et ce n'était pas un poisson d'avril, nous avons effacé 1789 de l'histoire. Hein. 1933 efface 1789, et Alfred Rosenberg ajoute, nous avons refermé 150 ans d'erreur, la parenthèse de 150 ans d'erreur. La Révolution française est un de ces phénomènes universaliste et égalitariste qui marque l'histoire de la sous-humanité contre la véritable humanité, c'est-à-dire l'humanité germanique. Vous avez le christianisme, vous avez l'humanisme, vous avez les Lumières, vous avez la Révolution française, qui est une forme d'application pratique des Lumières, et vous avez ensuite le communisme. Hein. Tous ces phénomènes-là visent à détruire les hiérarchies raciales pour les remplacer par un égalitarisme qui n'existe pas dans la nature, puisque les nazis se réclament de la science et constatent que les êtres, comme les espèces, sont inégales, sont de différentes qualités. Et poser d'une part l'égalité des êtres et des espèces, c'est-à-dire des races, et d'autre part l'universalité de principe, alors que de principes juridiques et moraux, alors qu'il n'existe pas d'universalité, il n'y a pas d'humanité, hein, selon les nazis, il y a différentes races qui sont comme autant d'espèces animales opposées les unes aux autres, et bien tout cela est absurde et conduit à la mort de la germanité. Ouais. On le voit bien déjà, cette vision du nazisme s'appuie sur une idéologie, s'appuie, on y revient, sur des penseurs. À tort ou à raison, parfois on évoque la figure de Nietzsche. On entendait Normand Baillargeon en parler, vous l'avez évoqué. Kant aussi, qui est pourtant quelqu'un qui est associé aux philosophes des Lumières en Allemagne, ces philosophes des Lumières qui exècrent les nazis. Kant sera pourtant aussi, entre autres, dans le procès d'Adolf Eichmann. Eichmann citera Kant dans son procès. Ce sont des figures qui reviennent, à tort ou à raison. On en parle dans un instant, Johann Chapoutot. Mais d'abord, un extrait de l'émission Esprit libre, animée par Guillaume Durand en 2008. Vous allez y entendre Michel Onfray, qui y parle de sa pièce, Le songe d'Eichmann, qui réunit sur scène Eichmann, Kant et Nietzsche, justement. Et comme j'étais en train de lire à ce moment-là Eichmann à Jérusalem d'Anna Arendt, il y a un moment où Anna Arendt dit « Eichmann se réclame de Kant » et s'est trompé complètement. Il ne peut pas être kantien et Kant dit très exactement le contraire. Et moi, je pense l'inverse. Il y a des textes racistes chez Kant, tout de même des textes antisémites aussi. Des textes où il nous dit, il nous parle de la mauvaise odeur des nègres, nous dit Kant. Donc ce n'est pas le Kant qu'on enseigne habituellement en classe terminale, le philosophe de la moralité, parce que le philosophe de la moralité, il suppose que la légalité, ce soit supérieur, ce soit plus important. Donc on a un Führer, il a été élu démocratiquement, la parole du Führer s'identifie au droit. Si le droit du Führer signifie qu'un juif ne relève pas du registre humain, eh bien il n'est pas un humain, et on ne tue pas quelqu'un qui n'est pas un humain, donc on peut légitimement l'envoyer en chambre à gaz. Donc c'est sur le principe de la pièce de théâtre. Donc c'est une discussion, c'est un échange, c'est moins affirmatif que ça, parce qu'il y a un dialogue entre les deux. C'est quand même l'intuition profonde que vous avez. Ah oui. Et d'ailleurs, vous donnez une liste à un moment, justement, des grands intellectuels qui ont participé, justement, à cette ambiance de la nazification culturelle de l'Allemagne de l'avant-guerre. Car tous ces penseurs nazis, très amateurs de Kant, firent profession d'écrire des livres de philosophie. Mais comment on passe, justement, de la pensée, de la chair de réflexion, des écoles de philosophie, à l'extermination, à la dinguerie, quoi. C'est un homme qui obéit, Eichmann. Peut-être que la dinguerie, d'ailleurs, c'est le mauvais mot, parce que ce sont des bureaucrates. Oui. C'est plutôt une raison froide, une raison très pure, même qu'il faudrait mettre en perspective dans cette aventure. Il y a un petit texte que tous les élèves de classe terminale lisent la plupart du temps, qui est « Qu'est-ce que les Lumières ?» de Kant. On lui dit « Voilà, la définition des Lumières, c'est ça ». Il est quand même dit dans ce texte-là qu'on a bien le droit de penser ce qu'on veut, mais pas le droit de dire ce que l'on pense si on est un fonctionnaire de l'État. Et Kant nous dit « La liberté de penser, c'est bien, mais pour vous-même, pour votre fort intérieur. En revanche, si vous êtes fonctionnaire, alors il faut obéir. » Michel Onfray, à l'émission Esprit libre en 2008, ce que la vision qu'a Michel Onfray, je le précise tout de suite, Johann Chapoutot, ses écrits qu'il a produits sur Kant, sur Eichmann et Kant, sur les nazis et Kant, ça a été très controversé. Mais quand même, partons de cet extrait pour voir ce que ça nous dit, au fond, sur la récupération que vont faire, dans quelle mesure y aura-t-il ou pas récupération des nazis, de penseurs comme Kant, comme Nietzsche. Bon, il y a tout à reprendre dans ce qu'on vient d'entendre, parce que tout est faux, en l'occurrence. Quand Kant dit qu'un fonctionnaire ne doit pas exprimer tout point de vue, il faut voir que Kant se situe dans un combat contre la féodalité pour la construction d'un État, donc il faut restituer ça plutôt dans le contexte de la fin du XVIIIe siècle. Par ailleurs, quand il parle d'Eichmann comme étant un homme d'une raison froide, il a tout faux, puisque Eichmann a donné cette impression pour sauver sa peau dans le contexte d'un procès pénal où il risquait sa vie en 1961, mais lorsqu'on entend Eichmann parler à ses hommes ou se parler à lui-même dans son journal intime, il dit tout à fait autre chose. Mais sur le fond, y a-t-il eu récupération de grands philosophes comme Kant Oui, alors... Oui. Moi, j'avais été aussi étonné par le fait que Eichmann, qui a arrêté très vite sa formation d'études secondaires, puisse citer Kant de manière assez approximative. Et donc, je suis allé voir et j'ai trouvé dans les sources nazies, sources administratives, sources policières, manuels de formation, une petite dizaine de formulations de l'impératif catégorique. Sauf que l'impératif catégorique kantien. Sauf que l'impératif catégorique kantien, tel qu'il est réinterprété et reformulé par les nazis, ne conserve que la formule et vide totalement la formule de son sens kantien, qui est un sens universaliste et autonome. En gros, pour parler technique, on a ici, lorsque les nazis disent « agis toujours de telle sorte que le Führer, s'il avait connaissance de ton action, l'approuverait », on passe de l'autonomie de la raison à l'hétéronomie pure, mécanique, et on passe de l'universalité de la raison kantienne, humaniste, à tout simplement au particularisme de la défense de la race. Voilà. Donc bref, on reprend une formule qui, parce qu'elle flatte l'oreille, de la même manière qu'on reprend le décalogue, si vous voulez, alors que on en vide totalement le contenu. Et il est assez malhonnête quand même à des fins de comment dire, de promotion ou de croisade personnelle ou de crépuscule des idoles au petit pied de dire n'importe quoi, ouais, en suivant aveuglément ce que les nazis ont pu dire et d'en être au fond la dupe, si vous voulez. Ouais. Parlons des nazis par rapport aux religions. On parlera du judaïsme dans un instant, mais la chrétienté, parce qu'il y a quand même des choses à dire aussi. Ils rejettent la culture nazie est aussi profondément hostile à la chrétienté. Pourquoi? Parce que le christianisme, c'est un judéo-christianisme, c'est-à-dire c'est du judaïsme. C'est d'ailleurs une thèse qui a cours encore aujourd'hui dans une certaine extrême droite. Hein. Vous avez en gros en Europe deux extrêmes droites qui se font concurrence ou qui s'épaulent. Une extrême droite ultra-chrétienne et une extrême droite, par contre, anti-chrétienne, qui estime que, comme le disait Hitler, je cite Hitler dans un propos de table, « le juif Saul est devenu saint Paul » de la même manière que le juif Mordechai est devenu Karl Marx. Dans les deux cas, dans le cas du christianisme pendant l'Antiquité comme dans le cas du communisme à l'époque contemporaine, les juifs qui n'ont pas réussi à détruire les germains, les grecs et les romains par exemple, ou le Reich, militairement, eh bien, ont inventé un complot, donc le complot judéo-chrétien, j'ai même lu cette formule, complot christo-bolchevique, le complot judéo-chrétien, universaliste et égalitariste, et puis désormais le complot judéo-communiste, lui-même égalitariste et universaliste, l'idée étant à chaque fois de détruire les hiérarchies et de détruire la race germanique. Ouais. Et ça va conduire évidemment cette lecture de l'histoire et du monde à ce qu'on sait, une telle haine des Juifs qu'il y aura ces camps de la mort, cette solution finale qui sera bientôt pensée par les nazis. Poussons un peu plus loin justement sur cette notion de pureté de la race, quelle place ça va occuper dans cette idéologie nazie, comment ça va se traduire aussi concrètement en matière de politique. On écoute un extrait du documentaire « Hygiène raciale » réalisé par Guillaume Dreyfus en 2012. Nous ne sommes pas seuls. Telle est la propagande développée par les nazis en 1936. Si les lois eugénistes n'ont abouti ni au Parlement anglais, malgré plusieurs campagnes, ni dans les pays catholiques, du fait d'une intervention du pape en 1930, de telles lois, au moment des Jeux olympiques de Berlin, sont en vigueur aux États-Unis, au Danemark, en Suisse, en Finlande, en Norvège et en Suède. « 1936, c'est aussi l'année où est tourné par les nazis le film de propagande eugéniste Erbkrank, le malade héréditaire. » Est-ce qu'il y a une rupture avec l'action T4, avec ce qui se passe à partir de 1939? Oui, bien sûr, dans la mesure où on ne s'arrête plus à la stérilisation, on va jusqu'à la mise à mort. En même temps, il y a bien continuité, puisque c'est en s'appuyant sur les lois de stérilisation que les nazis commencent à penser que ces lois ne suffisent plus et qu'il faut passer à une étape plus radicale. Il fallait l'entrée en guerre pour que les nazis passent d'une stérilisation à une véritable politique de massacre. Lorsqu'Hitler lance le programme T4 en octobre 1939, à aucun moment ce programme ne sera officiel. C'est un programme secret. Secret total auquel sont tenus les personnels, interdiction de photographier, interdiction de témoigner. Alors parlons-en de ces politiques qui s'inspirent de cet idéal de pureté de la race. Hitler aura cette formule absolument saisissante, ahurissante, qu'il va dire le national-socialisme, c'est la biologie, c'est de la biologie appliquée. Concrètement, Johann Chapoutot, c'est un peu évoqué dans l'extrait, mais quelle politique mettra en place le régime nazi pour consolider cette idée de pureté de la race? Alors, il faut voir que la préoccupation démographique eugéniste est une préoccupation occidentale, singulièrement en Europe, après l'hémorragie de la Grande Guerre. Tout le monde se soucie du fait qu'on a perdu plus de 10 millions de personnes et que, dans une logique sociale darwiniste, ce sont les meilleurs qui sont morts, puisque ce sont les meilleurs qui se portent au combat. Donc, il y a eu prolifération relative des dégénérés, des ratés, des tarés, selon les termes de l'époque. Ça touche tous les pays. Ça touche d'autant plus l'Allemagne, qui se trouve dans les années 20, dans une période de ralentissement démographique parce qu'elle sort de sa transition démographique. Et quand les nazis arrivent au pouvoir, ils reprennent des idées très banales qui se trouvent un peu partout, vous le rappeliez, mais ils les mettent en application avec une brutalité, une violence, une rapidité inouïe, parce qu'ils estiment que l'Allemagne est en danger de mort biologique, tout simplement, en danger de disparition. Donc ouais. La première étape, c'est la loi du 14 juillet 1933, 14 juillet n'est pas choisi au hasard d'ailleurs, qui prévoit la stérilisation obligatoire pour les malades considérés comme héréditaires. Et ça, c'est 400 000 stérilisations de 1933 à 1945. À titre de comparaison, aux États-Unis d'Amérique, vous avez 35 000 stérilisations de 1908 à 1970. Je dis bien 70, hein, ouais. Donc ça continue après 45. Donc on voit la disproportion, on voit la force de frappe, si vous voulez, de la politique nazie, puisqu'ils estiment avoir perdu trop de temps. La deuxième étape, c'est l'interdiction de la miction des sangs, hein, avec les fameuses lois de Nuremberg. Et la troisième étape, c'est l'opération T4, l'assassinat des malades considérés comme héréditaires parce qu'ils sont désormais considérés comme des poids morts qui sont un obstacle dans la course de l'Allemagne vers la victoire dans un contexte de guerre. Et là, l'opération T4, proprement dite, c'est 70 000 morts de septembre 39, enfin, octobre 39 jusqu'à août 41. Mais de fait, après l'arrêt officiel, la politique d'assassinat se poursuit et là, ouais. On arrive à 200 000 morts jusqu'en 1945. Ouais. Donc on voit à la fois la communauté d'idées, hein, ce sont des idées très banales en Occident à l'époque, mais la spécificité de mise en œuvre ouais. Qui s'intègre dans une vision du monde apocalyptique et angoissée. Avec, au bout du chemin, cette fameuse solution finale des camps de la mort pour les Juifs, essentiellement, quel argument vont invoquer les nazis pour justifier pareille horreur? Alors, les nazis établissent une cartographie, si vous voulez, des humanoïdes, hein, ce qu'ils appellent les humanoïdes, qui ne sont pas tous humains, hein, puisque une des phrases qui revient souvent dans les sources que j'ai pu lire, c'est « tout ce qui porte visage humain n'est pas forcément homme hein. ». Le véritable homme, c'est le germain, c'est le blanc, si vous voulez. Les sous-hommes, ce sont les slaves. Et vous avez d'autres catégories qui sont animales, par exemple en Afrique ou en Asie. Et vous avez enfin une catégorie biologique qui est d'ordre bactériologique ou microbienne. Et ça, ce sont les juifs. Les nazis défendent, et ils s'inscrivent totalement dans la lignée des antisémites radicaux de la fin du 19e siècle, les nazis considèrent les juifs comme un problème d'ordre médical qui est justiciable d'un traitement, hein, le mot est là, Behandlung, behandeln, d'un traitement médical. Par stérilisation, par confinement, par fumigation et par destruction totale. Donc, à minima, il faut écarter le danger bactériologique juif de l'espace vital, c'est-à-dire du biotope. Hein. Ouais. Espace vital, en allemand, ça veut dire biotope, tout simplement, du biotope germanique. Et si, à partir du moment où l'éloignement géographique n'est plus possible, parce qu'on n'a pas la maîtrise des mers, par exemple, on ne peut pas déporter les juifs à Madagascar, ou parce que Staline résiste et qu'on ne peut pas envoyer les juifs au cercle polaire, comme ça a été imaginé, eh bien là, entre l'été et l'hiver 1941, on passe à une politique d'assassinat systématique qui n'était même pas envisagée par les nazis les plus radicaux eux-mêmes quelques mois auparavant. On n'a pas parlé d'Hitler précisément, ni de Mein Kampf depuis le début de cette émission, Johann Chapoutot. Quelle place ils occupent, Hitler et cet ouvrage Mein Kampf, dans cette idéologie, dans cette philosophie derrière le nazisme? Alors, l'ouvrage Mein Kampf dans l'idéologie n'a aucune importance, puisque Mein Kampf a été très peu lu, et puis c'est une espèce de déversoir d'idées très banales à l'époque. La personne d'Hitler, par contre, est importante, mais pas au sens où on le croit, hein, ce n'est pas du tout le mastermind ou le chef incontesté, c'est un arbitre, voilà, c'est un arbitre qui juge en dernier ressort entre des factions qui sont en train de s'entre-déchirer, de se combattre dans une logique, là encore, social-darwiniste, administrative, très, très bien pensée. C'est à la fois un arbitre et en même temps un médium au sens le plus rationnel du terme, c'est-à-dire que c'est un moyen d'expression de la rage, de l'espoir, de la colère, etc., par son art oratoire, qui est la seule chose qu'il sache faire d'ailleurs. Il n'a jamais exercé aucun métier, il n'a jamais travaillé. Ouais. La seule chose qu'il sait faire, c'est parler à un micro, c'est tout. Johann Chapoutot, spécialiste de l'Allemagne nazie, professeur d'histoire à la Sorbonne, auteur de l'ouvrage « La révolution culturelle nazie », c'était un plaisir. Merci d'avoir participé à l'émission. Merci à vous. Si vous avez envie d'écouter ou de rattraper nos émissions, vous pouvez le faire sur le site internet d'Aujourd'hui l'Histoire ou en vous abonnant à notre balado-diffusion. Ici Jacques Beauchamp, je vous dis à la prochaine.